The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Hunger. La faim. And. Et. Dirty. Sale. At least. Au moins. Thirst. La soif. Now, a bit faster. Thirst. La soif. And. Et. Thirst. La soif. Hunger. La faim. Dirty. Sale. And. Et. At least. Au moins. Thirst. La soif. Now, use the words in context. La faim. I'm very hungry. J'ai très faim. Et. He is hungry and thirsty. Il a faim et soif. Sale. It's dirty. C'est sale. Au moins. At least I have friends. Au moins, j'ai des amis. La soif. I'm thirsty. J'ai soif. La faim. I'm very hungry. J'ai très faim. Sale. It's dirty. C'est sale. La soif. I'm thirsty. J'ai soif.